Portrait d'artiste sur Fadjet, l'émission qui présente un artiste local des arts visuels, animé par Romain Marie. Alors, on retrouve l'émission Portrait d'artiste sur la radio Fadjet 94.2 FM. Aujourd'hui, je suis en présence de Priscilla, qui est une artiste tomblaine. Bonjour Priscilla. Bonjour Romain. Comment ça va ce matin? Très bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Donc là, actuellement, j'ai la chance de rencontrer Priscilla au salon Hôtel des Arts de Tomblaine qui avait lieu début octobre. Et Priscilla est donc une artiste qui fait... quelle est ta technique de peinture, Priscilla? J'ai pas vraiment une technique à moi, mais parce que je touche un peu à tout. J'aime pas appartenir à un genre. D'accord, tu n'aimes pas appartenir à un genre. Alors, comment tu définirais ton art? Donc, tu es assez varié, tu fais différentes choses. Quelle technique tu utilises? Alors, je fais beaucoup du pouring, donc ça veut dire que c'est de la peinture coulée. C'est quoi le pouring? Alors, le pouring, la peinture coulée, c'est qu'il faut maîtriser plutôt le dosage dans les mélanges, pour mélanger, pour voir plusieurs peintures. Mmh. Et après, avoir un... On ne sait jamais, quand on fait le pouring, on ne sait jamais ce qu'on va avoir à la fin. Mmh. C'est la petite surprise. D'accord. Donc tu prends ta toile, tu poses des couleurs dessus. Voilà, je vais sélectionner des couleurs. Et là, à partir de ce moment-là, comment tu t'y prends? Eh bien, je transvase, je fais couler ma peinture sur la toile. Oui. Alors, je peux faire pivoter ma toile. Soit je peux mettre une bille, soit je peux la souffler. D'accord, donc parce que là, à ce moment-là, la peinture n'est pas sèche. Non, d'accord. Justement, il faut travailler quand c'est pas sec. Mmh, d'accord, il faut travailler pendant que c'est pas sec. Donc tu remues la toile un peu dans tous les sens, ouais. Et puis après, tu ressouffles dessus avec ta peinture. Je peux souffler, tout dépend si ça me plaît. Si ça me plaît, je m'arrête. Oui. Sinon, je continue à m'amuser dessus. D'accord, donc il y a comme un processus créatif. Voilà. Entre les mélanges de peinture, le fait que tu souffles avec la paille dessus, que tu fasses rouler des billes par exemple, à un moment donné, tu as un résultat qui te convient. Voilà. Et comment tu le détermines alors, ce moment qui te convient? Eh bien, tout simplement si ça me plaît en fait, si c'est abouti. Si c'est abouti, voilà. tu le vois visuellement, tu voilà. dis là le résultat il me convient. Voilà. D'accord. Et par exemple, là, il y a certaines œuvres, il y en a une que tu as mis en avant, donc là, qui est plus figurative, c'est pas du pouring, celle-là. Ouais. Celle qui est avec le papillon et je crois que c'est aussi l'emblème de ton site, oui. de ta page. D'accord. C'est ma toute première toile. D'accord. Ça fait combien de temps que tu peins, Priscilla? Alors, j'ai commencé en décembre 2019. 2019, donc ouais. C'était au moment du Covid, c'est ça? Juste avant le premier confinement. Juste avant le premier confinement, ouais. D'accord. Et comment t'es venu, pourquoi t'es venu à te mettre à la peinture, au pouring? Bah, j'ai commencé avec mon prof d'art plastique au lycée. Et il m'a dit, je vois pas ce que tu fous là. Il m'a dit, mais ta place est aux Beaux-Arts en fait. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais parce que, il t'a dit ça il y a combien de temps? Il t'a dit ça en quelle année? Ah, j'étais au lycée, je crois que c'était ma seconde ou ma première. D'accord. Et toi, ça t'est revenu plus tard, en 2019, là, en décembre 2019? Oui, bah, mes parents m'ont toujours dit qu'ils n'avaient pas. Ils n'avaient pas l'argent pour m'envoyer aux Beaux-Arts. Bien sûr. Bah, après, j'ai travaillé. Mmh. Après, j'ai eu tôt mes enfants. Mmh. Donc, je me suis occupée de mes enfants. D'accord. Donc, on va aborder dans la deuxième partie... un petit peu plus ta vie personnelle, sans rentrer dans l'intime, hein, oui. Je veux dire comment dans ton parcours, finalement, au fil du temps, tu es arrivé à faire de la peinture. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour toi, cet univers créatif? Ben, j'aime bien, ça, c'est moi en fait, ça fait partie de moi, j'en ai besoin en fait. Mm-hmm. Ça me fait du bien. Ta fréquence de production, ça représente quoi? Alors, tout dépend quand j'ai le temps. Parce que hier, j'ai vu, tu as fait une toile là, voilà, sur l'expo, tu as fait un tableau, quoi. Oui, bah, en fonction de mes rendez-vous et des enfants, bah, j'essaye toujours de m'arranger. Après, si j'ai pas le temps, je fais ça le week-end. Mmh. J'ai pas vraiment de fréquence, mais d'une fois que j'ai du temps, bah, j'en fais une. Oui. T'en fais? J'en fais une. Une? Une. Après, tu vois, si je fais de la peinture coulée, oui. Je peux en sortir 4-5 d'un coup. D'accord. Tout dépend de la quantité que je produis. D'accord, donc il y a ton prénom, tu veux bien me rappeler ton prénom ? Naya. Naya, parce que en même temps, Priscilla est en présence de Naya, hein, qui est la cadette de Priscilla. On ne va pas présenter toute la famille, mais... Hein. Oui, c'est une... Naya, elle participe un petit peu à la création des œuvres. Voilà, elle aime bien me regarder. Hier, elle a fait. Oui, elle a fait. Elle aime bien tapoter. Elle aime bien les paillettes. Elle aime bien la feuille d'or. Mm-hmm. Donc, elle a fait un petit peu avec moi. Elle me suit beaucoup, Naya. Alors là, c'est intéressant parce que là, sur ce que tu as fait hier, on voit qu'il y a du relief en même temps. Comment tu t'y prends pour faire ces reliefs sur ton tableau ? Eh ben, je ne savais pas, je ne maîtrise pas la technique. Et j'ai travaillé ça en début de semaine. Et le relief ne me plaisait pas, donc j'ai retravaillé une deuxième fois. Mm-hmm. Et d'une fois, ben, c'est comme je t'ai dit, d'une fois que ça me plaît, que ça me parle, eh ben, je m'arrête et après je passe à la peinture. D'accord. Donc là, on dirait... Qu'est-ce que ça représente pour toi, hein, ce tableau ? Eh ben, j'étais partie dans l'espace, en fait, la galaxie, un alignement des planètes. D'accord, oui, c'est vrai, comme une voie lactée aussi. Voilà. Ouais. Le côté très avec les dorures, le relief, c'est très intéressant. Ce cordon comme ça, c'est très sympa. D'accord, ok. Et au niveau donc, de la fréquence, c'est selon tes possibilités, en c'est fait ça. Ok. Donc selon les enfants, les programmes, etc. Mais donc j'imagine qu'il y a des périodes où tu peux peut-être faire beaucoup de choses et puis d'autres un peu moins. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est par exemple, pendant les vacances scolaires, mm-hmm. je privilégie le temps avec mes bêtes et puis avec les enfants. Mm-hmm. Et d'une fois que, ça y est maman, j'ai plus besoin de toi, bah, à ce moment-là, voilà, mm-hmm. je m'accorde du temps. Avec tes bêtes, parce qu'il y a des... Ah oui, des bêtes, oui. Alors, j'ai deux chats et j'ai trois chiens. Et puis, à Marie, qui fait un petit peu d'animaux à la maison, quand même. D'accord. Alors, tu fais du pouring, d'accord, mais tu fais quand même aussi des choses plus représentatives. On peut voir des fleurs, du figuratif, forêt, des roses. Ouais, il y a beaucoup de choses. C'est j'ai pas fait... uniquement du... Ah oui, bah, j'ai touché à tout en fait parce que je savais pas dans quoi me lancer donc j'ai voulu essayer. Mmh, t'as expérimenté, voilà. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères faire aujourd'hui après quelques années Alors j'aime beaucoup le pouring mais en fait je vais plutôt d'une fois que je vais aimer quelque chose, et ben je vais essayer de la reproduire. Tu vas recommencer voilà. pour t'améliorer dans le résultat. Voilà. D'accord. Et ça c'est ce que tu aimes faire. Voilà. Tu fais d'autres choses à côté ? Alors, si on parle sport, je fais du taekwondo. Ah oui, tu m'en avais touché un mot. Voilà. Et est-ce que tu fais un lien entre le taekwondo et ta pratique artistique ? C'est le monde des arts, hein, je vais te dire. Oui, quelque voilà. part, c'est vrai. Hein, voilà. D'accord. Bon, bah super. Merci Priscilla pour cette première partie. Donc là, on va faire une première pause musicale. D'accord. Et on revient dans quelques instants, toujours sur la radio Fagette 94.2 FM. Morena, portrait d'artiste sur Fadjet. Après cet excellent morceau, retour dans l'émission Portrait d'artiste sur Radio Fadjet en présence de Priscilla, notre artiste tomblénoise du jour, qui va continuer de nous parler d'elle, de son art et de qui elle est. Donc toujours en forme, Priscilla ? Ça va toujours. Ouais. Alors, tu me disais donc ça fait environ 5 ans et demi que tu t'es lancé. Alors, comment t'es arrivé dans la vie à un moment donné à dire tiens, je vais faire des créations, puis aujourd'hui essayer d'aller un peu plus vers une démarche professionnelle ? Eh ben, en parlant avec mon entourage, tout simplement, en me disant mais tu devrais pas rester dans l'anonymat comme ça, tu devrais te lancer, tout simplement. Mon premier fan. Ton premier fan, ton mari, bah oui, hein, Julien, effectivement, c'est souvent, ça compte, hein, voilà. le conjoint qui encourage, c'est vrai que ça... Les enfants aussi. Puis d'autres personnes dans ton entourage qui t'ont dit, il faudrait que tu montres un petit peu... Mon frère, le parrain d'un de mes enfants. Mmh, d'accord. Et donc là, aujourd'hui, tu commences un peu le circuit des expositions. Voilà. D'accord. T'as aussi une page sur Facebook. Tu peux nous donner les coordonnées de ta page Facebook ? Non, je les après. Je te la dirai après, je ne la connais pas par cœur. Ok, tu la diras après. Alors, donc sinon, qu'est-ce que tu faisais avant ? Et qu'est-ce que tu fais en dehors d'être artiste ? Je travaillais dans l'espace vert avec mon mari, jusqu'à ce que je me blesse et j'ai dû totalement arrêter. Oui. Et j'ai dû me faire opérer, donc j'ai arrêté. Donc c'est arrivé il y a combien de temps ça ? Il y a à peu près 10 ans. Il y a à peu près 10 ans, ouais. D'accord. Et tu faisais quoi dans les espaces verts à ce moment-là ? Je travaillais avec mon mari, de l'élagage, de la taille, du désherbage. D'accord. Oui, les entretiens classiques. Voilà. D'accord, donc tu travaillais pour une collectivité territoriale peut-être ? Alors oui. Oui et non, on a fait quoi dans les activités territoriales ? Des mairies, par exemple, le Grand Couronné, la métropole. D'accord. Et ça te plaisait, ça, ce que tu faisais ? J'aimais bien être dehors. Dans la nature, ouais, voilà. La nature. C'est, ouais. Bah, celle-là, on retrouve un petit peu une dimension artistique voilà, aussi. Voilà, tu retrouves aussi sur l'étoile. Oui, d'où un petit peu, on retrouve effectivement. Alors, c'est vrai qu'on a un univers qui est très coloré, mais ce qui est intéressant également dans tes créations, c'est qu'on a des fois une thématique couleur. Hein, par exemple, là, on va être sur du mauve, violet, doré... on a un petit peu un thème couleur et là de l'autre côté là, on est plus sur des couleurs vert clair, vert foncé, vert pomme et un peu de rouge. Donc tu fais un petit peu, tu ne mélanges pas toutes les couleurs, tu restes sur quelques couleurs à chaque fois. Oui. Hein, tu essaies de garder un peu un respect du code couleur quelque part. D'accord. Oui, oui, oui. J'aime bien d'être dans l'harmonie des couleurs, d'en rester dans certains tons. D'accord. Alors, tu as quel âge, Priscilla ? J'ai 38 ans. 38 ans, d'accord. Donc, tu t'es mis à peindre il y a 5-6 ans. Et ça, c'était revenu. Donc, il y a une dizaine d'années, tu as eu ton accident. Et oui. Tu me disais tout à l'heure que quand tu avais été plus jeune, encore en cours, tu avais été encouragée par ton prof. Oui, mon prof d'art plastique, oui. Qui te disait tu devrais te lancer... Et ça t'est revenu. Ça fait du chemin en fait, parce que j'osais pas, j'avais pas assez confiance en moi, je pense. Du fait que j'étais pas diplômée, j'avais pas les techniques, et mon mari m'a dit mais lance-toi en fait, t'as toujours tout appris toute seule. Bah oui. Ouais. Donc voilà, et pendant des années, ça a germé et j'ai passé le pas pendant le confinement en fait. D'accord, donc au confinement, tu te dis, tiens, je prends une toile. T'as commencé comment ? Sur une toile, une feuille de dessin Alors j'ai commencé le papillon sur un croquis, une petite feuille. Une petite feuille, une petite d'accord, feuille. Vraiment Ouais, alors le truc, un bloc-notes, tu sais, prendre des notes sur un petit... Ok. Vraiment, donc, ouais, parce que donc un petit crevard comme ça, tu t'étais jamais essayé. Voilà. Et tu t'es dit, tiens, après tout, pourquoi pas ? C'est ça. Des fois, il suffit de se lancer pour se rendre compte que c'est possible. Et c'est ce dont tu t'es rendu compte ce jour-là. Voilà. Voilà. Et là, après les encouragements du mari, de la famille. Voilà. Et puis, je crois qu'en même temps, donc, tu es une maman de quatre enfants. De quatre enfants, ouais. D'accord. Un charmant mari également hein, qui te soutient, qui est présent à l'exposition, Julien. Quatre enfants avec dont deux jumelles, dont deux, enfin deux jumeaux, pardon, voilà, oui, parce qu'il y a dans les jumeaux un garçon et une fille. D'accord. Donc ça fait déjà des bonnes occupations. Et tu fais du sport aussi? Je fais du sport, oui. Alors, qu'est-ce que tu fais comme sport? Du taekwondo. Du taekwondo, alors c'est quoi au juste? C'est un art martial. Un art martial, mais c'est par rapport au judo ou au karaté, c'est quand même différent, le taekwondo. Ah bah c'est un sport de contact, oui. C'est un sport de combat, le taekwondo? Oui. D'accord. Donc, un peu comme du karaté ou... Ah, c'est pas du tout pareil que le karaté, ni comme le judo. Oui, merci. Alors, le taekwondo, ça englobe plusieurs arts martiaux. Mmh. D'accord. Le judo, le karaté, le jiu-jitsu brésilien, l'aïkido. D'accord. Et est-ce que ça t'apporte quelque chose en lien avec ta pratique artistique? Eh ben, je le vis comme ça aussi. J'en ai besoin. D'accord, ça. Étant petite, j'ai commencé par le judo. J'avais quoi, 8-9 ans? Oui. J'ai dû m'arrêter parce que le club l'a déménagé. Mmh. Et trop loin, je ne pouvais pas y aller seule. Mmh. Et ma maman ne pouvait pas faire le déplacement. Mmh. Et bien, plusieurs années, quoi que les enfants s'y sont mis finalement, parce que le prof, il m'a dit, tu vois, maman, t'as pas le choix. On y va si tu y vas. Mmh. Ah oui, d'accord. Donc, tu as poussé aussi voilà. tes enfants. Écoute, j'ai dit, pourquoi pas, je me lance, allez. Mmh. C'est bien. D'accord. Écoute. Voilà, donc on peut retrouver aujourd'hui, on peut retrouver ton art, donc on va communiquer sur notamment la page Facebook, on peut accéder à tes créations. Je crois qu'il y a une page Instagram aussi qui est en préparation. Oui. D'accord, TikTok peut-être? Alors, il me semble que j'en ai une et faut que je revoie, faut que je la refasse. S'il faut, je la ferai. D'accord, alors qu'est-ce qu'on tape dans le moteur de recherche pour trouver les travaux de Priscilla? Alors, sur Facebook, c'est Fleur Hope et en dessin, il y a le petit papillon posé sur la bouche d'un visage d'une femme. Mmh. Donc ça, c'est ce qui va t'identifier, on va voilà. Savoir qu'on est sur ta page. Voilà. Donc Fleur Hope. Fleur Hope, oui. Fleur Hope. Hope. Hope. Hope, comme en anglais, l'espoir. Et ça s'écrit comment? Hope. Hope. H-O-P-E. Ah, c'est joli, l'espoir, toujours intéressant. Comme toujours, ouais. Mmh. Et sur TikTok, j'en ai une. Viens voir, Naya, montre-moi la tête dessus. Et est-ce que tu as d'autres projets là, suite à cette exposition? Continuer mes expositions déjà. Oui. Continuer. Donc, j'ai une autre exposition à la mairie au mois de février. Voilà, donc février 2026. On pourra retrouver tes œuvres à la mairie de Tomblaine. De Tomblaine. D'accord, super, c'est génial. Voilà, donc là, qui permettront au public de découvrir un peu plus ton œuvre. Oui, j'ai eu d'autres contacts aussi avec la galerie Hérographe, donc à voir. Il faut que je me rapproche de cette personne. Pour TikTok, c'est Julien Leroy. C'est l'arrobase, il faut mettre l'arrobase. Donc c'est @julienleroy963. D'accord, super. Eh bien écoute, on va te souhaiter beaucoup de réussite, beaucoup de succès. Merci pour beaucoup, cette rencontre, Priscilla, c'était un vrai plaisir. Et une belle continuation à tout le monde. Plaisir partagé, merci beaucoup. Merci Romain. À toi. À bientôt. À bientôt. Portrait d'artiste sur Fadjet, l'émission qui présente un artiste local des arts visuels, animé par Romain Marie.